Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est dans la Chine des Tang que nous entraîne cet après-midi Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous propose de faire connaissance avec la seule femme qui, au long de 24 dynasties parmi plus de 200 empereurs, ait jamais régné sur l'Empire du Milieu. Et votre invité est Bernard Brizet, auteur chez Perrin des 30 empereurs qui ont fait la Chine. Et oui, Bernard Brizet nous apporte une brassée, un bouquet de figures méconnues en Occident, de quoi nourrir au cœur de l'histoire pour des années. Et quant à Lorena Martin, en fin d'émission, elle nous fera visiter les fameuses grottes de Longmen dans la province du Henan. Et oui, et moi je vous raconterai les origines de la bande dessinée. D'ailleurs, on peut dire que notre récit d'aujourd'hui est imagé comme une bande dessinée. Fermez les yeux si vous n'êtes pas au volant, je dis toujours ça, mais on ne sait jamais quand même. Sentez ces parfums envoûtants, cet encens brûlé dans les temples, l'arôme des fleurs de magnolia, la brume, une brume agréable. Écoutez les sitars, les tambours, les gongs qui résonnent dans la ville, avec ces couleurs tellement spécifiques, hein, ce jaune notamment qui domine la ville, ces pagodes de bois et cette harmonie. Nous sommes au milieu du 7e siècle, à l'extrémité de la route de la soie, au large des montagnes, des fleuves et des campagnes chinoises. Derrière les hautes murailles de Luoyang, sur un ciel qu'il faut imaginer à cette heure-ci, rouge flamboyant, se détachent les contours du palais impérial. Et si vous passez le portail, portail en bois richement sculpté bien sûr, à travers les épaisses enceintes de terre, eh bien, vous découvrez une atmosphère un peu irréelle, dans un clair-obscur envoûtant, bienvenue à la cour de Chine, au milieu de riches ornements, dans une ambiance soyeuse, poudrée, déambulent des gardes impériaux, les eunuques, les servantes au teint de lait, en tuniques de soie finement brodées, parfaitement coiffées, maquillées. Au milieu des porcelaines, des soieries, des rouleaux peints, et vous savez, avec ces extraordinaires calligraphies qui font la splendeur de la Chine, décorées de fleurs de lotus et de caractères étranges, tout paraît absolument calme. Nous sommes dans l'harmonie, tout est serein. Or, au cœur du palais, l'impératrice Wu Zetian fait trembler la Chine. Faut l'imaginer, elle aussi, dans sa somptueuse et très longue robe de soie qui lui tombe un peu partout autour d'elle, vous savez, avec ses yeux en amande, ses sourcils fins, sa chevelure noire parée de perles et de diamants. Elle est d'une beauté captivante, mais une beauté qui, si l'on en croit la réputation de cette dame, n'a d'égal que sa cruauté. Derrière le maquillage parfait se dissimule ce que nous aurions tendance à voir, nous, comme une meurtrière. Wu Zetian, la seule, l'unique femme empereur que la Chine ait jamais connue, Wu Zetian fait couler le sang à travers le pays comme une rivière sombre qui irriguerait les campagnes et viendrait terroriser les populations les plus lointaines. Assassinats, égorgements, trahisons de toutes sortes, avec des fantômes, avec du sexe, autant de mots qui jalonnent la vie de cette impératrice. Une vie si étonnante, si extraordinaire, nous dit Bernard Brizet, que la réalité dépasse la fiction. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de Wu Zetian, c'est le cas. Elle est une sorte de Macbeth à la chinoise, si vous voulez. On va y venir d'ailleurs. Dès son plus jeune âge, elle ressemble à une héroïne de théâtre. Vous savez, lorsqu'elle naît, elle naît en 624 de notre ère. Elle naît dans un milieu incroyablement modeste pour le destin qui sera le sien. Elle naît dans le Shangdong. Elle ne s'appelle pas encore Wu Zetian, mais Wu Zhao. Son père est commandant de garnison. Elle va grandir dans cette région montagneuse du Sichuan, au bord du long fleuve Yangtze-Jiang, qui coule à travers les sommets enneigés, à travers les moraines, les glaciers. Et au bord du fleuve, il faut l'imaginer, cette belle Wu, qui avec déjà un tempérament de feu, dresse les chevaux. Très vite, elle est remarquée, et quand je dis très vite, elle est adolescente, elle est remarquée non seulement pour sa beauté, vous l'aurez compris, mais aussi pour la finesse de son esprit, pour sa culture, pour cette intelligence pénétrante qui irradie d'elle littéralement et qu'elle met au service d'une ambition assez démesurée, une soif d'élévation qui la dévore. À 14 ans, elle est placée dans le harem de l'empereur Taizong, c'est le gynécée impérial où vivent des centaines de femmes, toutes en rivalité pour espérer un jour porter l'enfant du souverain, parce que c'est ça le but de toutes ces femmes. Et au sein du harem, un certain nombre de servantes sont chargées de repérer les femmes qui pourraient être les plus aptes à enfanter. Lorsqu'une femme est choisie pour passer une nuit avec l'empereur, elle est soigneusement lavée, préparée, mais aussi fouillée par un eunuque pour vérifier qu'elle ne dissimulerait aucune arme, aucun poison. Évidemment, ce serait le moyen facile pour tuer l'empereur. La jeune Wu est entrée en qualité de Keiren, nous dit Bernard Brisé. Autrement dit, elle est une concubine de cinquième catégorie. Disons les choses, elle entre au harem par le bas de l'échelle. Et pour être clair, elle a très peu de chances d'être un jour sélectionnée parmi les favorites de l'empereur, malgré sa grâce, malgré sa beauté. Les années passent et c'est vrai que pour elle, pour l'instant, elle est toujours en marge. Rien ne se passe pour vous. Or, en l'an 649, elle a maintenant 25 ans. La chance vient frapper à sa porte de lac. Cette année-là, l'empereur vient de mourir et comme l'exige la tradition, les concubines doivent se retirer dans un monastère pour pleurer le défunt souverain. Leurs têtes sont rasées, les jeunes femmes troquent leurs robes de soie pour des tuniques de drap blanc, le blanc couleur de deuil à la cour. Or, le nouvel empereur va venir rendre visite aux jeunes femmes dans leur monastère. Le jeune Gao Zong a seulement 22 ans. Il faut imaginer une sorte d'adolescent avec des traits délicats, une fine moustache, des yeux noirs magnifiques. Son regard croise celui de la belle Wu et le nouvel empereur tombe sous le charme. L'empereur Gao Zong dispose déjà d'un harem important et par ailleurs il est marié à l'impératrice Wang. Or, deux circonstances vont se révéler incroyablement bénéfiques pour Wu. C'est ça finalement les grandes destinées. D'abord, l'impératrice Wang est stérile. Imaginez pour elle le drame de ne pas pouvoir donner d'héritier à l'empereur. Et puis par ailleurs, elle est maladivement jalouse de la deuxième épouse de l'empereur, Xiao, qui elle n'est pas stérile. Et elle redoute que Xiao ne lui dérobe son titre d'impératrice. Alors, que fait l'impératrice Wang pour essayer de se débarrasser de celle qu'elle vise, qu'elle considère comme son principal danger, comme son principal ennemi? Eh bien, elle fait venir auprès de l'empereur la plus belle de celle qu'elle a pu trouver, donc la fameuse Wu, pour évincer la seconde épouse. Et comme Wu vient d'un échelon, d'un grade très peu élevé, finalement, on se dit qu'on n'a pas grand-chose à craindre d'elle. Le stratagème, dans un premier temps, va fonctionner. Wu, dont les cheveux ont repoussé entre-temps, va fasciner l'empereur, qui devient fou d'elle. Seulement, le plan échafaudé par l'impératrice va très vite dépasser les intentions de son instigatrice. Wu profite immédiatement de sa nouvelle position pour s'attirer toutes les faveurs de la cour impériale. En offrant des cadeaux aux servantes, aux eunuques, elle noue des amitiés. Elle est extrêmement entreprenante, efficace. C'est ces gens qui sont dévorés d'ambition et qui, du coup, deviennent extrêmement efficaces. Et discrètement, progressivement, en masquant la ruse et l'ambition derrière une espèce d'humilité de surface, derrière des yeux baissés, une voix douce et suave, sans bruit, Wu tisse sa toile. Elle est tapie dans son coin, prête à frapper comme l'araignée silencieuse. Et secrètement, déjà, elle a bien l'intention de gravir un jour les marches du trône. Et pour cela, il lui faudrait frapper fort. L'idéal, ce serait qu'elle donne un fils à l'empereur. Or, justement, voilà qu'elle est enceinte. Vous imaginez les espoirs de cette jeune femme. Et elle accouche d'un enfant impérial, mais immense déception d'une fille. Wu maudit le ciel. Il va donc falloir attendre de tomber de nouveau enceinte et prier encore que ce soit un garçon. À moins que, tout à coup, une idée s'est fait jour dans son esprit, idée que nous appellerions machiavélique. Son visage s'illumine d'un sourire glaçant. Elle pourrait, se dit-elle, tourner à son avantage le fait d'avoir eu une fille. Pour ça, il faudrait se débrouiller assez bien. Un soir, elle fait bien attention que tout le monde ait repéré la visite de l'impératrice Wang, qui est venue voir le nouveau-né. Elle se glisse dans la pièce où dort l'enfant et juste après que l'impératrice est partie, elle s'avance vers le berceau. La petite fille dort et Wu enserre le cou de l'enfant. Elle met ses mains autour de ce bébé. Et elle serre jusqu'à ce que le bébé soit inanimé. Elle prend soin de laisser des traces de doigts sur le cou, des doigts de femme, n'est-ce pas, avec les ongles comme on les porte à la cour de Chine. Et plus tard, elle va chercher l'empereur pour qu'ils aillent ensemble voir l'enfant, pour lui montrer le bel enfant. Et en se penchant sur le berceau, Wu a l'air complètement révulsée. Elle éclate en sanglots, elle pleure à chaudes larmes, elle gémit, elle hurle. Mais qui a tué son enfant? Qui a osé faire cela? Ça ne peut être que l'impératrice Wang. C'est elle la dernière à avoir quitté la pièce. L'empereur est complètement décontenancé. Et comme c'est un homme crédule, Il y croit, bien sûr, il bout de colère contre celle qui est encore sa femme, qui ne va pas l'être longtemps, puisque aussitôt, il répudie l'impératrice. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez la vie aussi fascinante qu'effrayante de l'impératrice chinoise Wu Zetian. Elle est la seule et unique empereur femme que la Chine n'ait jamais connue. Alors pour l'instant, on vient de le voir avec vous, Wu a réussi à charmer le faible empereur Guizhong. Elle est prête à tout pour lui ravir son pouvoir, même à tuer son propre enfant. Alors nous sommes au 7e siècle, juste avant de reprendre la vie de Wu Zetian. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quelle dynastie appartient l'empereur Gaozong? La dynastie des Tang, entre les Sui et les Song. Hein, une période d'apogée, on peut dire, pour la Chine. Tous les amateurs d'art chinois le savent notamment. Pensez aux grands chevaux Tang, là, c'est absolument somptueux. Ça fait suite à l'ancienne dynastie des Han et à ses succès et à ses suites. Et c'est une période d'unification de la Chine. Les Tang vont donner au pays sa puissance, sa prospérité, son rayonnement, avec des expansions vers l'ouest, des contacts avec la Perse notamment, avec l'islam naissant, dynastie également marquée par un renouvellement de l'art. C'est assez extraordinaire ce qui s'est fait à cette époque. Les céramiques trois couleurs, les merveilleux verres soufflés, les rouleaux peints qui atteignent pour la première fois la perfection, nous dit Daniel Elie. D'autres évoqueront la place prééminente prise alors par le bouddhisme qui prend en Chine une couleur si originale. Et c'est vrai que, vous voyez à quel point c'est un creuset vraiment de la civilisation chinoise. Et dans ce nouveau rayonnement, l'impératrice Wu Zetian va avoir son rôle à jouer, son importance. Pour le moment, elle veut être, si j'ose dire, impératrice à la place de l'impératrice. La ci-devant régnante, bien que répudiée, reste pour elle une menace. Et c'est pour ça qu'elle ne va pas hésiter, notre Wu Zetian, à l'accuser, ainsi que la deuxième épouse de l'empereur, Xiao, d'ailleurs, à les accuser l'une et l'autre de sorcellerie. Et l'empereur, qui se laisse manipuler, marche une fois de plus dans la combine. Il est effrayé par les espèces d'histoires de magie noire que lui raconte Wu. Il va faire emprisonner les deux jeunes femmes sans se douter de leur innocence. Et il nomme donc Wu impératrice. On est là en 655. Wu vient de recevoir la consécration suprême. Inutile de vous dire qu'elle ne va pas s'arrêter là. Elle n'est qu'en chemin de son point de vue. Un jour, l'empereur rend visite à ses deux anciennes épouses dans leur prison et lorsque Wu l'apprend, elle ordonne qu'on fouette les deux femmes jusqu'au sang, puis elle aurait demandé qu'on leur coupe les mains et les pieds, qu'on les jette dans une cuve de vin. Faut imaginer la scène, hein, Madame Wu penchée sur les victimes qui ne perdraient rien de leur agonie, ces femmes en train de perdre leur sang dans le vin. Désormais au palais impérial, chacun sait qu'il ne va pas falloir contrarier l'impératrice. Tout le monde a compris que si jamais on sort un peu du rang, la sentence peut tomber comme la foudre et tout le monde se demande si l'empereur va un jour réagir. Mais Gaozong est faible, que voulez-vous? Même lui désormais craint l'impératrice. Il craint cette Wu qui entend bien tirer profit de la faiblesse de son époux pour prendre l'avantage. Elle ne perd pas une miette de ce qui se dit, de ce qui se décide au sommet de l'État. Tandis que l'empereur tient ses audiences, nous dit le vieux livre des Tang, que cite Bernard Briset, l'impératrice y assiste derrière un rideau. Il n'y a aucun sujet d'État, grand ou petit, qui ne parvienne à ses oreilles. Tout le pouvoir sous le ciel est en elle, rétrogradations ou promotions, vie ou mort, récompenses ou punitions. À la cour et dans le pays, on les appelle les deux sages. Et vous se considère un peu, si vous voulez, en effet, comme non seulement la deuxième partie du pouvoir, mais l'ombre, le double féminin de Gaozong. L'empereur est appelé fils du ciel. Eh bien, elle sera impératrice céleste. Les nuits de Wu Zetian sont de plus en plus cauchemardesques parce que, évidemment, quand on commet le mal, n'est-ce pas, elle est hantée par des images terrifiantes. Elle revoit dans ses rêves les chairs qu'elle a elle-même faites ensanglanter, celles des deux anciennes épouses de l'empereur Gaozong, comme si elle revenait pour se venger. Vous voyez qu'on est un peu dans Macbeth, là. L'impératrice tremble, les fantômes de ses victimes ne la quittent plus et pour essayer de se libérer de ce qu'elle considère comme des spectres qui sont entravants pour elle, elle va pratiquer toutes sortes de rituels magiques, etc. On imagine les fumigations, et tout ça est d'un pittoresque formidable. Et rapidement, Wu parvient à donner à l'empereur quatre enfants qui, cette fois, seront quatre fils, donc de potentiels héritiers. Pourtant, l'aîné meurt bientôt empoisonné. Certains ont été jusqu'à se demander si c'était pas sa mère. Hein, qui... Et d'autant plus que quelques années plus tard, le deuxième fils se voit envoyé au Sichuan et se suicide, dit-on. Oui, entre guillemets. Quand même, tout ça paraît bizarre, surtout lorsqu'on sait que Wu Zitian adore son troisième fils, qui lui s'appelle Zhong Zhong. Auprès du peuple chinois, qui ignore évidemment toutes les intrigues de cour, l'impératrice est adulée, elle est aimée comme celle qui est la... Elle est le sauveur, si vous voulez, elle est respectée, le peuple admire non seulement sa beauté, sa majesté, mais sa prestance, sa sagesse. Et cette jeune femme organise toutes sortes de visites pour se montrer à ses sujets, se faire aimer d'eux, elle est donc populaire. Des rumeurs, certes, commencent à circuler sur son compte, et notamment, on dit qu'elle serait très portée sur les choses de l'amour, pour ne pas dire de l'amour physique. Certains disent qu'elle est nymphomane. Et vous, dit-on, ce serait constitué une sorte de harem de jeunes hommes. Après tout, les empereurs ont bien des harems de femmes. Bah pourquoi, oui. Est-ce que, voilà, pourquoi pas ? Ça vous plaît, cette idée, tout de suite. Elle aurait même un favori, le beau et vigoureux Feng, qui, dit-on, aurait l'autorisation d'entrer dans le palais jour et nuit. Alors lui, il a le laissez-passer absolu. Wu considère qu'elle doit bénéficier d'une pleine égalité de droits avec l'empereur. Or, il se trouve que Gao Zong est de santé fragile, qu'il est atteint par une maladie qui peu à peu le paralyse. Quand on sait l'extrême subtilité de certains poisons chinois, là encore, on est en droit de se poser une question. Il commence par perdre la vue et puis petit à petit, tous ses moyens. Et en 683, alors qu'il n'a que 50 ans, il meurt. Et dans son testament, il est noté que Wu doit rester en charge des affaires de l'État. Les deux fils aînés, je vous l'ai dit, ont disparu. C'est donc le docile Zhang Zhang qui va monter sur le trône de Chine. Inutile de vous dire que sa mère ne va en faire qu'une bouchée. Wu, plus que jamais, sait ce qu'elle veut désormais. Et ce qu'elle veut, c'est régner par elle-même. Or, la Chine des Tang est, qu'on le veuille ou non, une société confucéenne patriarcale. Les femmes n'ont aucun titre à vouloir régner, bien entendu. Elles ne peuvent pas devenir empereurs. C'est un titre réservé aux hommes. C'est un obstacle qui, comme ça, pourrait paraître infranchissable. Mais vous aurez compris qu'il n'y a pas grand-chose d'infranchissable lorsqu'on est Wu Zetian. Elle a une idée, elle, une idée imparable. Elle se dit que seuls les hommes peuvent être fils du ciel. C'est vrai, dans la religion taoïste, eh bien, elle va faire appel au bouddhisme, elle va faire appel à la religion d'une grande partie du peuple pour essayer de faire un peu changer les choses. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire, au cœur du destin de cette femme empereur de Chine, Wu Zetian. Alors on l'a vu hein, depuis 14 heures, rien n'arrête cette femme dans sa course au pouvoir. Elle devient donc empereur, même si à l'origine, la religion lui interdit. Eh oui, alors en tout cas la religion traditionnelle de la Chine. Mais là, le bouddhisme permet quelques arrangements, si vous voulez. Peu de lettrés sont capables de se retrouver dans la complexité des sutras, nous explique José Fraîche, ce qui permet à des commentateurs peu scrupuleux de leur faire dire ce qu'ils veulent. L'intrépide Wu Zetian, ajoute-t-il, déniche facilement un exégète qui accepte de proclamer que, selon le sutra du nuage blanc, elle est une réincarnation du Bouddha Maitreya, sauveur du monde et Bouddha du futur, et que, à ce titre, elle est toute désignée pour monter sur le trône impérial, et elle ne va pas tarder. En 690, Wu se proclame, non pas impératrice donc, mais bien empereur. Et elle prend le nom de Zetian à ce moment-là, ça veut dire conforme au ciel. Elle va aller jusqu'à instaurer une nouvelle dynastie, celle des Zhou, dynastie où le pouvoir est exercé ou peut être transmis par les femmes. Vous imaginez la révolution, elle va même nommer son propre père empereur. Mais comme le pauvre homme est mort depuis des années, elle le fait à titre posthume, bien sûr. Les lettrés confucéens hausse les épaules, secoue la natte, si je puis dire, et considère que tout ça n'est qu'une farce. Il s'insurge d'ailleurs. Et plusieurs princes vont tenter un coup d'État pour essayer de renverser cette usurpatrice, mais ils échouent. Et inutile de vous dire que les tentatives sont réprimées dans le sang. Pour échapper au groupe de pression influent à Chang'an et à toute l'aristocratie qui est très méfiante et qui se montre de plus en plus défiante même à son égard, Wu Zetian va déplacer la cour impériale à Luoyang. Elle fait construire un palais impérial incroyable, des palais, des temples, des pagodes. Elle fait édifier 9 immenses piliers de bronze qui vont désormais symboliser la puissance, la force de son pouvoir et un monumental Bouddha de 17 mètres de haut dont on dit que les traits du visage ressemblent étrangement à ceux de l'empereur ou de l'impératrice, comme vous voudrez. au palais, Wu paie des espions qui sont placés un petit peu partout pour la renseigner sur ce qui se passe. Et désormais, on peut dire qu'elle vit dans la méfiance, dans la terreur. Alors elle, dans la méfiance, et autour d'elle, les gens vivent dans la terreur. C'est surtout ça, c'est comme ça que ça se passe. Wu Zetian encourage la délation. On voit la ville se hérisser littéralement d'urnes de bronze où les sujets sont invités à déposer des messages anonymes lorsqu'ils ont des dénonciations à effectuer. Alors, convenons néanmoins d'un aspect important, et on va y venir dans un instant avec Bernard Brizet, c'est que si vous mettez à part l'atmosphère de terreur et le délire qui s'est emparé d'un certain nombre des milieux de cour, Wu Zetian se révèle somme toute une souveraine efficace. Elle a le sens de la politique, son esprit est toujours aussi vif et son intelligence fascinante. Elle va renouveler les élites, elle met en place toutes sortes de processus de recrutement de fonctionnaires très intelligents en fonction du mérite. Elle garantit au peuple le calme, la prospérité, elle baisse les impôts, elle améliore l'éducation, elle développe l'agriculture, elle améliore la condition des femmes en Chine, puisque désormais elles auront par exemple, comme les hommes, droit à des funérailles publiques. Et on voit Wu Zetian développer le bouddhisme, avec donc une efflorescence induite des arts, d'un nouveau type d'art, on pourrait dire. En vieillissant, néanmoins, les traits un peu pénibles de son caractère n'ont pas tendance à s'améliorer, c'est le moins qu'on puisse dire, ça s'accentue plutôt. D'abord, le sexe devient pour elle une sorte de refuge malsain, elle prend constamment des aphrodisiaques, et les Chinois sont doués pour ce... Et elle prend des amants de plus en plus jeunes, et parmi ces amants, il y a notamment deux frères, deux ravissants éphèbes, de gigolos, si j'ose le terme, qui vont s'amuser, nous dit Bernard Brizet, à corrompre la cour avec un cynisme sans vergogne, buvant, jouant, bafouant toutes les conventions morales. Ça passe très mal, tout ça, bien entendu. Alors, elle n'a pas perdu tout à fait sa beauté avec les ans, vous et Tian. On dit que ses sourcils, quand même, s'épaississent, et qu'à cause des aphrodisiaques qu'elle prend, elle a même de nouvelles dents qui lui poussent, ce qui signifie que certaines ont quand même disparu. En l'an 705, elle a près de 80 ans quand retentit à la cour un scandale lié aux deux jeunes gens, là, qui ont été un peu trop loin cette fois. Elle est obligée d'abdiquer. Wu Zetian se retire à ce moment-là dans son palais de Shangyang. C'est là qu'elle va s'éteindre, quelques semaines plus tard. Elle s'éteint assez calmement, assez doucement, si je puis dire, le visage de plus en plus blanc, les mains toujours aussi rouges. Bonjour Bernard Brizet. Bonjour Franck Ferrand. Nous avons choisi parmi toute une galerie de portraits impériaux que vous nous livrez, avec Mathilde Hirsch, choisi le portrait de la femme la plus incroyable qui soit. Incroyable par sa dureté, par sa violence, mais aussi par son intelligence et par l'éclat de son règne. Drôle de phénomène, cette Wu Zetian. Effectivement, dans mon livre, là, c'est sur les 30 empereurs qui ont fait la Chine. Bien. Et elle, c'est le chapitre numéro 10 pour moi. Donc, nous sommes vraiment avec Wu Zetian au cœur de l'histoire. Parce que, sous la dynastie des Tang, comme vous l'avez bien rappelé, qui est la plus prestigieuse, sans doute vous interrogez tout le monde dans la rue. Oui, c'est la plus... c'est l'apogée de la Chine, on peut le dire. Entre le 7e et le 10e siècle. Et Wu Zetian, vous avez parfaitement résumé sa carrière et sa réussite, mais elle a tout de même quelque chose d'extraordinaire, c'est que les historiens, bien sûr, soulignent sa cruauté, mais en même temps, il ne la condamne pas. Pourquoi ? Parce que ça a été une impératrice, une excellente impératrice, ou empereur, si vous voulez, très douée, qui, sous son règne, va privilégier toutes sortes de réformes administratives, voilà. Culturelles aussi. La population, ça c'est un signe, la population s'est grandement accrue, tout le monde est content. Les paysans sont contents. Elle a supprimé le service militaire. Elle s'est occupée énormément des femmes. C'est vraiment c'est la première féministe que l'on rencontre. Vous disiez qu'elle était bouddhiste par opportunisme. Probablement par conviction aussi, probablement. On peut imaginer en tout cas que l'extraordinaire efflorescence du bouddhisme que l'on observe sous son règne n'est pas tout à fait un hasard. C'est que ça correspondait au temps aussi et à l'époque, le bouddhisme était mûr pour la Chine. Elle épouse les tendances de son temps. En ce sens, elle est très habile. Mais alors, le paradoxe, comme je vous le disais, c'est que les historiens, ils sont un peu perplexes devant ce destin, parce que ils aimeraient bien l'accuser de tous les maux, dire c'est une catastrophe, genre Mao Tse-Tung. Mais pas du tout, ils sont un peu paralysés, parce que ça a été une bonne gouvernance. Oui. Et ce gouvernement de Wu Zetian, finalement, peut-être, alors pardon, hein, je vais faire un parallèle un peu délicat, peut-être un peu hardi, mais on peut comparer au règne du seul pharaon femme de l'histoire de l'Égypte, qui était Hatshepsut, hein, sous la 18e dynastie, 15e siècle avant notre ère, qui de même avait usurpé, si l'on peut dire, le pouvoir alors strictement réservé aux hommes, mais en a profité pour rendre l'Égypte très prospère. Finalement, ce sont des règnes très rares, très exceptionnels, mais qui sont des règnes brillants, et Wu Zetian a été brillante. Elle était aussi sauvage qu'on le dit, ou est-ce que les chroniqueurs ont noirci, sali sa mémoire après coup? C'est possible aussi, on ne sait jamais. Bien, nous connaissons l'histoire de la Chine par des scribes, des historiens qui étaient confucéens. Et pour eux, c'était le scandale absolu. C'était l'abomination. Le scandale absolu d'avoir une femme à la tête de la Chine. Et il ne voulait rien lui laisser passer. Mais là, quand même, ils sont un peu désarmés, parce que, encore une fois, sous son règne, le pays s'est bien porté. C'est l'apogée des Tang. Et ça nous rappelle, ça aussi, une émission assez récente, une émission que nous avons faite la semaine dernière sur l'impératrice Théodora de Byzance, qui, pour des raisons religieuses, est détestée par ceux qui vont écrire son histoire, et qui l'accuse de quoi? De cruauté et de nymphomanie. Vous voyez qu'il y a quand même des constantes dans l'histoire humaine. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la Chine jusqu'à 15h sur Europe 1. Vous nous faites découvrir, Franck Ferrand, grâce à votre invité, la seule femme empereur de Chine. Nous sommes au 7e siècle. Cette femme s'appelle Wu Zetian et nous apprenons à la connaître, à découvrir sa vie, son entourage, son parcours, grâce à Bernard Brisé, votre invité, les journalistes, historiens et auteurs des 30 empereurs qui ont fait la Chine, paru chez Perrin. Wu Zetian a donc été la seule à se parer de tous les insignes du pouvoir impérial. Elle est empereur en plein, si j'ose dire. C'est un cas unique dans toute l'histoire de la Chine. On n'a aucun autre exemple, Bernard Brisé? Si, il y a un autre exemple, et vous le connaissez tous. C'est Tsui. Tsui. Mais Tsui n'était pas... Elle n'était pas, mais derrière le rideau. Voilà, c'est ça. Elle, hein. elle mettait des empereurs vraiment sans personnalité. Mmh. C'est son fils d'abord et son neveu ensuite. Et c'est elle qui gouvernait derrière le rideau. C'est-à-dire que l'empereur était assis sur son trône, puis il y avait un rideau, puis derrière, elle entendait tout, etc. Et c'est elle qui... Mais il y avait quand même un simulacre d'empereur pour servir ses desseins. Alors que là, il n'y a plus du tout d'intermédiaire. Cette Wu Zetian, elle dirige personnellement l'empire, qui n'était pas encore l'immense Chine que nous connaissons. D'ailleurs, l'empire des Tang n'a pas si, encore... Tout, à peu près. Tout à fait. C'était une Chine réunifiée. Oui, oui. Dans toute sa partie méridionale et occidentale, notamment, en fait. Hein, c'est oui, ça, ouais. Non, elle est... Si, vous n'en avez pas parlé, mais c'est vrai. Elle a étendu le territoire de la Chine en conquérant presque, en allié avec le Tibet, le Xinjiang, c'est-à-dire maintenant tout l'ouest de la Chine. Et elle est la première à être installée, la Chinoise, en Corée, alors que les précédents empereurs avaient échoué à s'installer en Corée. Si, si, et c'était une grande conquérante en même temps. Ça, on l'oublie un petit peu. C'est important de le dire. Hein, et donc, sur le plan territorial, elle a agrandi la Chine. Et la Chine, sous les Tang, a atteint sa plus grande surface à ce moment-là, avec elle. Et ensuite, ça aura plutôt tendance à se restreindre. Alors, quand je lis le bandeau de votre ouvrage, évidemment, il y a des noms très célèbres, celui, vous venez de le dire, Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Zedong, Deng Xiaoping, etc. Mais il y a des noms nettement moins connus. Quand on lit Yongle, Song Taizu, Li Shimin, Liu Bang ou Qin Shi Huangdi, pour des Français, pour 99% des Français, ça ne dit tout simplement rien. Or, ce sont des personnalités très importantes et dont les Chinois apprennent encore l'histoire aujourd'hui. Oh, les Chinois, ils connaissent leur histoire, bien sûr, et, oui, oui. Et leur géographie. Malgré la longue période communiste où on voulait supprimer cette histoire, mais elle est vivace. Elle a été choisie. Non, oui. Mais les noms que vous citez, Chichibondi, il est bien connu maintenant, c'est le premier empereur, parce que c'est l'armée enterrée de Xi'an. Voilà, c'est ça, voilà. Hein. Alors, tous les touristes qui vont en Chine... C'est-à-dire ces espèces de statues de terre cuite là, qui font 6 000... Voilà, il y en a des milliers, 6 000... Ouais, statut de 6000 guerriers. Guerriers, et ça, Chichibangdi. Les autres, effectivement, Liu Bang, c'est le... Qu'est-ce qu'on sait d'un homme comme Chichibangdi, par exemple, justement? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui de façon certaine? Parce qu'on remonte à des périodes qui sont évidemment très, très anciennes. C'est et donc... de 220-200 avant, hein, Jésus-Christ. C'est lui qui a unifié la Chine. Donc c'est le premier empereur, vraiment, c'est lui qui a unifié la Chine. Mais, tout comme Wu Zetian, il était d'une cruauté insensée, lui aussi, et paranoïaque. Et sa dynastie, qui devait durer 10 000 ans, après lui, s'est éteinte, parce que c'était un tyran, et le peuple n'en voulait plus. Donc, ça, c'est Chichibangdi. Les autres, Yongle... Alors, pour revenir à l'époque Tang... qui est quand même, donc, comme vous le dites, l'apogée de la Chine. Il y a Li Shimin, par exemple, un grand empereur, là, pour le coup, qui est... Alors, Li Shimin, mais vous avez raison de souligner, les Français ignorent totalement l'histoire de la Chine. Mm-hmm. Et c'est très dommage, parce que c'est passionnant. Moi, je me suis dit que les 30 empereurs, on pourrait écrire un roman, mais c'est pas la peine de romancer. Non, parce que, tout est dedans. Ben, voilà. C'est vraiment un vrai roman. Et Li Shimin est le fondateur des Tang. En général, les fondateurs de dynasties sont des gens assez extraordinaires. Yongle, c'est parce que c'est le fondateur de la cité interdite. Mais les deux grands empereurs qui émergent beaucoup, c'est ceux des empereurs mandchous du XVIIIe siècle, fin XVIIe pour Kangxi et Qianlong. Et bien sûr, l'impératrice Cixi à la fin du XIXe siècle. Que nous appelons, nous, bêtement, Tsui, mais vous dites Cixi. Ben, sa dernière biographie a repris, en tout cas, cette appellation. C'est-à-dire que le public la connaît mieux sous le nom de Tsui. Sous l'ancien nom de Tsui. Mais Cixi, c'est en pinyin. C'est ça. Alors, parmi les femmes assez extraordinaires, parce que là, nous avons vu la seule femme empereur, si l'on peut dire, mais parmi les femmes extraordinaires, il y a cette favorite qui s'appelait Yang Guifei. Ah. Et alors là, on est à l'époque Tang, toujours, un petit peu plus tard, au sommet, à l'apogée d'ailleurs de cette civilisation, sous le règne de l'empereur Xuanzong. Et vous nous racontez là aussi cette période et ce règne, hein. Alors là, vous me faites plaisir en parlant de Yang Guifei, parce que le chapitre qui suit, c'est sur le fils de Ruizong, et qui aura pour concubine Yang Guifei. Alors, Yang Guifei, c'est une courtisane. Elle était, elle aussi, tout à fait belle, comme il n'est pas permis. Et surtout, elle adorait rire. Elle adorait s'amuser. Et c'était une compagne absolument, on ne pouvait pas s'ennuyer une seconde avec elle. Et elle était belle, comme il n'est pas permis. Et elle aimait les arts, elle aimait les spectacles, etc. Et ça s'est terriblement mal terminé. Alors là, vous disiez qu'il y avait beaucoup de films consacrés à Wu Zetian. Mm-hmm. Wang Kefei, alors là, toutes les pièces de théâtre, tous les cinémas. Vous savez, si vous regardez CCTV, il y a, c'est la chaîne... La chaîne chinoise, oui. Et c'est la chaîne chinoise. Mmh. Tous les jours, il y a des feuilletons sur les différents empereurs. Et Yang Guifei, c'est le numéro 1. La star absolue. Alors, oui. Ça s'est mal terminé parce qu'elle a distrait tellement l'empereur qu'il y a eu une révolte menée par un des généraux favoris de l'empereur, et qui s'appelle Han Lushan, et qui a complètement, dirais-je, détruit l'empire des Tang, qui n'a jamais pu se redresser. Et à signaler que les descendants de Wu Zetian, ils ont continué à régner jusqu'à la fin des Tang. Donc elle a eu une postérité. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout ne s'arrête pas avec elle, loin de là. Hein. Elle a fondé une dynastie, oui, on peut dire. Encore de 200 ans après, ah, encore les successeurs, les héritiers Donc son sang coule encore jusqu'à la fin des Tang. Alors on pourrait évoquer bien d'autres empereurs, Yongle notamment, Yongle. Grand empereur, c'est un peu le... Yongle, moi si on me demandait quel était parmi les grands empereurs, Yongle se détache, mais surtout parce que il a fondé la cité interdite. Pourquoi est-ce qu'il a fondé d'abord Pékin ? La capitale, c'était Xi'an, Shangshan et Xi'an. Et il s'est... Le péril venait du nord, des peuplades manchoues. Et il s'est dit, il faut aller là-bas pour défendre. C'est comme si, face aux invasions germaniques, où, la France avait choisi comme capitale Strasbourg pour être plus proche, pour mieux se défendre, et non pas Paris, si vous voulez. Donc, c'est un hasard de l'histoire que Pékin soit devenue la capitale. Et c'est très étonnant. On est au XIVe siècle, là. Absolument. Mm. Et la cité interdite, au 15e, la cité interdite a été inaugurée en 1420. Mmh. Et les Chinois se préparent dès maintenant à célébrer bientôt... Et bien entendu, ça va être bientôt le sixième centenaire de la cité interdite. On aurait pu parler aussi, évidemment, du Louis XIV chinois, Kangxi. Mais nous lui avons déjà consacré une émission. Si vous êtes d'accord, nous allons dire quelques mots d'empereur nettement plus moderne dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Nous sommes au cœur de l'histoire des empereurs de Chine grâce à votre invité Franck Ferrand, Bernard Brisé. Il est journaliste, historien. Il est l'auteur des 30 empereurs qui ont fait la Chine, un livre paru chez Perrin. Alors depuis 14 heures, nous avons découvert la seule femme empereur de Chine, Wu Zetian. Mais il y a beaucoup d'autres grandes personnalités dans ce livre. Évidemment, et alors ça fait réagir nos auditeurs. Vous avez vu, et notamment cette dynastie Tang qui n'est pas célèbre seulement par la splendeur de ses céramiques et de ses sculpture équestre. Christophe nous parle de la série policière des enquêtes du juge Ty, bien entendu, du célèbre Van Gulik, le juge Ty ressuscité et repris par Frédéric le Normand. Oui, qui nous a écrit d'ailleurs pendant cette émission. Et puis Alexandre... Ça se passe sous les tangs. Hein. Bah oui, bien sûr. Hein. Alexandre vient de poster un message également sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Il nous dit, il y a un peu de Turandot en elle. Est-ce que Puccini a pensé à elle pour écrire un opéra posthume? Est-ce que Turandot s'inspire de Wu Zetian un petit peu, d'une certaine manière? Pourquoi pas? En tout cas, le côté mangeuse d'hommes, incontestablement. Pour la cruauté envers ses amants, effectivement. Alors, je voulais qu'on dise un mot, parce que vous ne vous arrêtez pas aux empereurs au sens propre, vous allez au-delà du règne de la fameuse Cixi, et vous parlez des grands chefs du XXe siècle, que ce soit Sun Yat-sen ou Mao Zedong. C'est quand même... ou Chiang Kai-shek, bien entendu. J'ai eu la chance, moi, de très bien connaître quelqu'un qui avait vécu un peu à la cour de Chiang Kai-shek et qui disait que les grandes traditions impériales dans le Yunnan, les grandes traditions impériales étaient maintenues chez Chiang Kai-shek. Ça s'est maintenu jusqu'à la révolution communiste de 1949, finalement. Oui, et même après, à Taïwan. Mais pour revenir, faire un petit retour en arrière, vous avez cité le nom de Kangxi. Pour moi, si vous me demandez... Parmi tous mes 30 empereurs, quel est mon préféré? Je me suis parfois posé la question, c'est Kangxi. Mais enfin, vous en avez déjà parlé. Oui, enfin, j'invite le lecteur à lire... Le château de Versailles lui avait consacré une exposition, plus exactement une exposition sur les échanges entre l'Orient et l'Occident, entre la France et la Chine au temps de Louis XIV. Oui, c'est Kangxi était l'exact contemporain de Louis XIV Pierre le Grand. Oui. Alors, je parlais donc de Chiang Kai-shek, de Sun Yat-sen, etc. Est-ce qu'il y a chez ces dirigeants modernes un certain nombre des traits que l'on pouvait constater chez les anciens empereurs de Chine? Est-ce qu'il y a un héritage du passé, si je puis dire, ou un exemple qui aurait pu se perpétuer? Alors, les cinq empereurs dont vous avez cité... Empereurs entre guillemets. Hein. Empereurs entre guillemets, ce sont les présidents de la République. Mmh. Et les Chinois, ils n'aiment pas tellement qu'on mélange les empereurs et les présidents de la République. Mais en même temps, tous les journaux en ce moment parlent du nouvel empereur chinois de la même manière que Poutine et le nouveau tsar, etc. Dans le cas de Poutine, c'est assez spectaculaire. Peut-être un tout petit peu moins vrai, justement, en Chine. Il y a une rupture qui a été foncière et fondamentale. Mao Zedong se considérait-il comme l'héritier des empereurs de Chine, d'après vous ? Oui, tout à fait. Alors, ils ont tous hérité de l'empereur, mais surtout Mao Tse-tung. Et Xi Jinping, actuellement, il marche dans les pas de Mao Tse-tung, et il restaure le culte de la personnalité. Tous mes amis, tous les gens que je fréquente, que je rencontre, des Chinois et même Français, disent qu'en Chine, la vis est serrée de plus en plus. Et Deng Xiaoping avait institué une règle pour éviter que ça se reproduise, le règne de Mao Tse-tung, deux fois cinq ans. Bon. Et ça a volé en éclats, là, tout à fait récemment, depuis un mois, avec Xi Jinping, qu'on peut considérer qu'il est un empereur à vie, c'est-à-dire que, sauf événement extraordinaire... Nous n'avons pas fini de le voir. Et il mourra au pouvoir ou il cédera la main de sa propre volonté. Merci beaucoup Bernard Brizet. Les 30 empereurs qui ont fait la Chine, c'est publié chez Perrin. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et c'est un véritable voyage que vous nous proposez depuis 14h sur Europe 1, Franck Ferrand. Nous avons fait un voyage dans le temps à la découverte de ces empereurs qui ont marqué l'histoire de Chine. Nous allons aller sur place maintenant avec Lorena Martin. Eh oui, alors nous étions effectivement avec Wu Zetian à Luoyang, dans la cité bouddhiste de Luoyang, dans la province du Henan, et c'est à une dizaine de kilomètres au sud que vous nous emmenez, Lorena, visiter un site extraordinaire. Ce sont les grottes de Longmen, qui sont donc, si on se dirige vers l'extérieur de Luoyang, ce sont des grottes qui signifient donc grottes de la porte du dragon, et depuis 2000, ces grottes ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un ensemble assez spectaculaire de grottes dédiées au bouddhisme. C'est le plus grand et le plus impressionnant ensemble d'œuvres d'art chinoises des dynasties Wei et Tang. Et pendant 6 siècles, à partir du 5e siècle, différents artistes ont offert un nombre assez incroyable de statues, plus ou moins grandes, de Bouddha et de ses bodhisattvas. Et les statues ont été sculptées à même la roche, dans les grottes et sur la falaise qui surplombe toute cette rivière. Ce sont les incarnations du Bouddha. Exactement. C'est impressionnant. Et les grottes s'étendent du nord au sud sur 1 kilomètre le long de la rivière Yi. Il y a toute une balade à faire et il y a un périple à suivre. Ça fait quoi, 1 kilomètre de long? Oui, 1 kilomètre de long, et ce sont près de 2000 grottes et niches qui accueillent environ 100 000 statues de Bouddha. Près de 3000 stèles et inscriptions, et les statues mesurent entre 2,5 cm, toutes petites, jusqu'à 17 mètres de hauteur. Oui, on en parlait tout à l'heure du Bouddha géant. Exactement, et ce Bouddha géant, notamment, qui a qui ressemble, en fait, qui aurait le visage de Wu Zetian dont vous parlez tout à l'heure. Mais alors, c'est elle qui a fait creuser cette première grotte, en fait, c'est Wu Zetian qui fait creuser dans le défilé de Longmen cette grotte du temple du culte des ancêtres. Fengxian-si, pour accroître son aura en réalité. Et donc là, c'est là qu'il y a le Bouddha qui fait 17 mètres de haut. La plus grande de tout ce défilé. Il y a aussi la grotte donc des 10 000 Bouddhas qui en abrite 15 000. 15 000. Oui. Au centre, vous avez une statue principale qui est en Bouddha de 4 mètres de hauteur et qui trône sur un piédestal en forme de lotus à 8 pétales, derrière lequel se trouve un bas-relief qui représente à lui-même 54 bodhisattvas assis sur des feuilles de lotus. Pour ceux qui n'avaient pas encore l'intention de partir pour la Chine, ça y est, à mon avis, c'est fait. Merci Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Ah, et aujourd'hui, c'est un retour aux origines qui va concerner, je pense, tous nos auditeurs, parce que nous en avons tous eu une entre nos mains un jour. La bande dessinée, Franck, ça vient d'où la bande dessinée? Le vieil art, comme on dit, avec ses phylactères. Ça n'apparaît, entre parenthèses, qu'en 1896, dans une bande dessinée de l'américain Richard Outcault qui s'appelle The Yellow Kid. Celui qui en est le fondateur, si l'on peut dire, c'est Rodolphe. Alors, on pourrait parler de toutes les bandes dessinées du passé, je vais vous faire grâce de la tapisserie de Bayeux, etc. Mais la bande dessinée en tant que telle, le père de la bande dessinée, c'est Rodolphe Töpffer, qui était suisse, un écrivain suisse, faisait de la politique, etc. Et il, dans sa préface à l'histoire de Monsieur Jabot, avec des planches de 3 à 4 dessins qui sont juxtaposés et complétés de légendes, à l'époque il n'y a pas encore de phylactères, il n'y a pas de bulles. Voilà, c'est ça, les bulles c'est de 1896. Là on est en 1827, mais il dit « Ce petit livre est d'une nature mixte, il se compose de dessins autographiés au trait, chacun des dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. » Vous voyez qu'en effet c'est quasiment la définition. Alors en 1905, Bécassine va apparaître dans le magazine pour fillettes la semaine de Suzette. Et puis 3 ans plus tard, ce sera le succès des Pieds Nickelés avec Louis Forton, etc. Là, on peut dire à partir de là que la bande dessinée telle que nous la connaissons est née. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.